Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est sans doute avec les éclipses totales de soleil l'un des plus beaux spectacles qu'il soit donné d'observer en astronomie. Ce sont les grandes comètes, alors je veux dire les grandes comètes de l'histoire et surtout les grandes comètes que l'on a vues soi-même. Nicolas Biver, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au Lézières, à l'observatoire de Meudon, et vous êtes, je dirais, spécialiste et amoureux des comètes, sans doute depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a pour vous une comète, c'est-à-dire qui restera dans votre esprit comme, je dirais presque, l'amoureux d'un tableau qui regarde ce qu'a fait un peintre et se dit « Ah, ça, c'est inégalable. Bah, » Pour avoir eu la chance d'observer beaucoup de comètes, c'est vrai que je crois que la comète Yakutake, bien que son apparition était brève, ou moins la période pendant laquelle elle était spectaculaire, a été assez courte, là, autour du 23-27 mars 1996. C'est celle qui m'a le plus marqué. Je me rappelle, après avoir fait 50 km pour s'éloigner de la région parisienne, ouvrir la porte de la voiture et découvrir une comète qui fait pratiquement un quart du ciel comme ça au-dessus de la tête, ça m'a tout de suite rappelé un petit peu des légendes ou des figures qu'on voit dans des anciennes revues du 19e siècle. C'était l'image de la comète comme on l'a rêvé et comme on en voyait rarement. Quoi. À quoi ça ressemble pour celui qui n'en a jamais vu ? Parce que c'est quand même quelque chose, entre guillemets, assez rare. Quoi. Les éclipses, on peut aller les voir au moins une fois par an quelque part dans le monde. Mais une comète, à quoi ça ressemble ? Alors, bon, je dirais, il y a un petit problème avec nos villes qui sont de plus en plus lumineuses, c'est que c'est vraiment un spectacle réservé déjà à ceux qui peuvent voir ça sous un ciel noir. Et alors, dans ce cas-là, c'est assez spectaculaire, c'est aussi brillant que la Voie lactée, ça peut être quand on a une belle apparition, hein, et quelque chose qui, bon, je pense qu'il faut une petite préparation, avoir une recherche d'objets particuliers pour apprécier ça. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais vu ça, au début confondra ça avec un nuage, et puis il s'apercevra que bon, c'est quelque chose d'étrange qui bouge pas dans le ciel, enfin qui se déplace lentement avec les étoiles et bon, qui a vraiment une forme énigmatique, hein. C'est pas ce à quoi on est habitué, avec une tache brillante qui est la coma, et puis une longue traînée un peu plus faible qui est la queue. Et lorsque cette traînée atteint 20, 30, 40 degrés, là, ça commence à devenir un objet qui peut surprendre les personnes, quoi. Ça bouge ? Alors, ça se déplace lentement, hein. Une comète, on voit se déplacer surtout comme le fond du ciel. Hein. La comète Yakutake, qui était passée très près de la Terre, elle s'est déplacée aussi vite que la Lune par rapport aux étoiles, mais bon, comme on remarque la Lune, on remarque pour un néophyte, peu son déplacement par rapport aux étoiles en quelques heures. Quoi. Alors, vous le disiez, hein, quand on plonge un peu dans les livres d'histoire, on a une iconographie de belles comètes. Alors, je pense moi toujours à celle qui est dans l'astronomie populaire de Flammarion, si mes souvenirs sont bons, où on voit la comète Donati au-dessus de Paris, où il y a la Seine, il y a la Conciergerie, on voit cette grande comète qui semble s'étaler au-dessus de nos têtes. Il y a quand même des célébrités, hein, cométaires dans l'histoire contemporaine. Oui, bah, le problème, c'est que si on compare ça aux comètes du 19e siècle, c'est qu'à l'époque, le ciel était sans doute beaucoup plus noir. Donc, on a en plus un premier plan, comme on disait, au-dessus de Paris, qui montre ces comètes qui sont vraiment spectaculaires par rapport au premier plan. Et on a perdu un peu ça avec nos villes qui se deviennent très brillantes. Mais ceci dit, il y a encore régulièrement des spectacles extraordinaires. Je pense même à la comète McNaught, là, il y a tout juste 2 ans. Qui a été spectaculaire pour ceux qui étaient au bon endroit. C'était malheureusement dans l'hémisphère sud, mais je me rappelle avoir vu des témoignages des gens en Australie qui croyaient qu'il y avait un incendie et un feu de forêt au loin, et en fait c'était la comète qui était au ras des arbres. Alors il y a eu 2 périodes, Nicolas Biver. Il y a la période avant la science, avant qu'on comprenne ce qu'étaient les comètes, et puis la période après. Alors, la période avant, c'est est-ce qu'on connaît les réactions ? Est-ce qu'on sait ce qu'inspiraient les comètes aux hommes qui voyaient de tels spectacles dans le ciel ? Comment l'interprétaient-ils ? Alors, c'est sûr que, bon, comme je disais déjà, le contexte était un peu différent, et je pense que malheureusement, maintenant, les hommes étaient plus astronomes, je dirais, il y a quelques siècles, où ils étaient plus attentifs à ce qui se passait dans le ciel, d'autant plus qu'ils comprenaient moins, il n'y avait pas la science pour leur expliquer. Donc, évidemment, il y a eu. Les comètes ont donné lieu à beaucoup d'interprétations depuis les Chinois. à l'époque de Jésus-Christ, voire avant, et jusqu'au encore au 18e ou 19e siècle. Et on se rappelle dans le passé souvent les comètes qui étaient présages de mauvaises choses, souvent, et qui ont été. Mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles, voilà, qui ont été quelquefois en fait, des éléments de référence temporelle pour des catastrophes, des guerres, etc. On pourrait citer par exemple le cas de la comète de Halley qui est représentée sur la tapisserie de Bayeux pour son passage de 1066. Et ça a marqué dans l'histoire humaine des repères très précis. Le passage d'une grande comète annonçait quelque chose, un trouble, un grand trouble dans le ciel. C'est un désordre dans le ciel, le passage d'une comète. Probablement, je ne suis pas spécialiste, je dirais, de l'aspect historique des choses, mais le ciel apparaissait comme quelque chose d'immuable, une sphère fixe. Alors voir un objet comme ça qui n'est pas bien défini et qui se déplace de jour en jour par rapport aux étoiles, a certainement beaucoup intrigué les gens à l'époque et donné lieu à des interprétations de toute nature, je dirais. Oui, c'était assez amusant de voir d'ailleurs que certains pensaient qu'on alimentait le soleil grâce aux comètes comme des poutres enflammées qui passaient dans le ciel. J'ai lu ça dans la littérature. C'était une très belle imagination qu'avait un certain nombre d'hommes en voyant passer des comètes quand même. Quand est-ce que la science fait son apparition? Est-ce avec les observations de Edmond Halley? Oui, je pense. Halley, bon, c'est peut-être l'époque où on a commencé à considérer les comètes comme vraiment des objets du système solaire qui se déplaçaient, alors sur des orbites excentriques, pas aussi circulaires que les planètes, mais elles ont été considérées comme des objets physiques et non plus des objets de croyance, quoi, je pense. C'est un peu le début de l'étude d'un point de vue orbital. Après ça, si on va parler de l'étude physique des comètes, c'est plutôt vraiment le milieu du 19e siècle ou la fin du 19e siècle qu'on commence à voir la première spectroscopie et les premières analyses vraiment de ces objets, quoi. Alors aujourd'hui, Nicolas Biver, quand on fait un point sur ce qu'est une comète, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on en connaît, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par dire qu'il y a un réservoir de comètes? On sait d'où elles viennent, d'où elles proviennent, tout ça c'est clair? Alors c'est à peu près clair, d'ailleurs quand on parle des réservoirs de comètes, le premier réservoir de comètes dont on a parlé, c'est le nuage de Oort, donc ça a maintenant pratiquement une cinquantaine d'années, et c'est sorti en fait de l'étude des orbites des comètes. Maintenant, j'arrive depuis un siècle, on détermine assez précisément l'orbite des comètes, on arrive à calculer les influences des planètes sur leur trajectoire et remonter à l'orbite initiale, à savoir d'où elles viennent. Et on s'aperçoit, donc les comètes qu'on observe aujourd'hui, disons depuis un siècle au moins, qu'une grande catégorie, une grande partie des comètes nouvelles viennent de ce qu'on appelle donc ce nuage de Oort qui serait situé à peu près à une demi-année-lumière, en gros, du Soleil. Qu'est-ce que c'est que le nuage de Oort? Alors, l'origine du nuage de Oort, maintenant, c'est plutôt ceux qui sont spécialistes des modèles du système solaire qui nous disent d'où ils viennent, en fait. C'est un résidu de la formation du système solaire, mais il faut savoir que les comètes ne se sont pas formées dans le nuage de Oort, mais les comètes sont des résidus de la formation des planètes. Une partie des comètes qui étaient entre les planètes, voyageaient entre les planètes, notamment entre Jupiter et Neptune, qui sont les planètes géantes. C'était une zone où il faisait suffisamment froid pour avoir l'eau sous forme de glace, donc on a formé des noyaux cométaires. Mais du fait de la gravité de ces planètes, ces objets-là n'ont pas pu rester des milliards d'années dans cette région-là. Et la plupart ont été expulsés, donc très loin. Une bonne partie ont été perdues définitivement par le système solaire. Et une petite fraction est allée peupler ce nuage de Oort. C'est-à-dire que c'est des objets qui sont allés loin, mais qui sont restés sous l'influence du Soleil, à la limite, je dirais, donc entre l'influence du Soleil et puis l'influence des étoiles voisines ou des marées galactiques. Et donc ça forme ce nuage de Oort. Quand vous dites une petite fraction, c'est certes, mais quand on regarde la quantité, on peut lire dans la littérature scientifique qu'on parle de milliards de comètes. Oui, alors c'est une petite fraction au sens astronomique du terme. Oui. C'est un petit peu de quelque chose qui fait beaucoup encore. Donc on parle jusqu'à 1000 milliards de comètes pour peupler le nuage de Oort, mais ça représente à peine ou même moins de la masse de la Terre. Si on les mettait toutes ensemble. Si on mettait toutes ensemble, oui. Alors, quel est le mécanisme qui fait qu'un jour apparaît, entre guillemets, dans le ciel, une comète? Comment se passe l'événement qui va la transférer du nuage de Oort à la banlieue solaire? Alors, c'est un petit peu dans la prolongation de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a, ce nuage de Oort, c'est la limite entre l'influence gravitationnelle du Soleil et des étoiles proches et de la galaxie, hein, qui exerce des marées comme la Terre, de son attraction, enfin la Lune, pardon, mais c'est réciproque aussi, donc déforme la Terre du fait de sa gravité, la galaxie déforme, si on veut, le système solaire du fait de sa gravité, et donc perturbe un petit peu ce nuage de noyaux cométaires. Et de temps en temps, donc, certaines sont sans doute perdues définitivement pour le système solaire, et d'autres sont précipitées vers l'intérieur du système solaire. Et on en voit apparaître de temps en temps une, comme on en verra par exemple une en février prochain, qui a mis 2 millions d'années pour nous arriver depuis le nuage de Oort. Donc il y a un événement déclencheur quand même. Oui, il y a... Enfin, ça se fait en permanence, mais on a un flux de comètes, je dirais, un peu continu, mais... Bon, c'est quand on dit un flux de comètes, c'est quelques-unes par an. Mais bon, à l'échelle de milliards d'années, ça fait quand même beaucoup. Hein, ça... Pourtant, on parle toujours des mêmes. C'est-à-dire, on voit revenir régulièrement la comète de Halley, on voit revenir. Donc, ça veut dire que sur le plan orbitographique, il y a un événement initial qui déclenche l'arrivée d'une comète, et puis ensuite, cette comète peut devenir périodique. Exactement. Alors, bon, là, j'ai parlé que d'un seul réservoir de comètes. On reparlera peut-être après ça de la ceinture de Kuiper, qui est l'autre réservoir de comètes au-delà de Neptune. Et c'est un peu le même problème. Hein. Donc, on a un réservoir de comètes qui, en principe, est sous faible influence gravitationnelle, puisqu'il est en dehors des zones très perturbées. Et de temps en temps, bon, la Neptune, par exemple, va perturber une comète qui va nous la ramener, si on veut, près du Soleil, sur une orbite qui sera au début relativement longue, qui mettra 20-30 ans pour voyager disons, entre Neptune et Jupiter. Puis, elle va passer près de Jupiter, qui va la précipiter plus près du Soleil, on la verra apparaître comme une comète périodique. Donc la période va être raccourcie, donc d'une période d'une trentaine d'années, on va passer à une période de, mettons, de 5 à 6 ans. C'est le cas par exemple d'une comète comme la comète Ville de 2 qui était survolée par une sonde spatiale. Ça s'est passé en 1974, donc c'est tout récent. Et les comètes qui viennent du nuage de Oort, c'est pareil, elles arrivent à passer de temps en temps trop près de, entre guillemets, de Jupiter, soit pour être définitivement expulsées, soit pour que leur orbite soit raccourcie. Et donc une comète comme ça qui est arrivée sur une période, disons, de 2-3 millions d'années, va avoir son orbite raccourcie pour, à une période de peut-être 10 000 ans, et une deuxième fois, une période de peut-être une centaine d'années. Et des comètes qu'on voit périodiquement, comme la comète de Halley, qui a bientôt les 76 ans, est une comète issue du nuage de Oort il y a peut-être plusieurs milliers d'années, et dont l'orbite a été réduite au point de maintenant revenir tous les 76 ans. Donc si je vous suis bien, il y a deux possibilités pour les comètes. Soit elles sont capturées, et donc dans ce cas-là, elles ont une orbite périodique qui peut être modifiée en fonction de leur passage près d'une planète. Soit elles sont expulsées. Expulsées, ça veut dire sorties, éjectées du système solaire. Tout à fait. Oui, quand on regarde l'évolution des orbites des comètes qu'on voit de nos jours... Ben certaines, on voit que l'excentricité qui traduit donc l'ellipticité, si on veut, de leur orbite, passe de légèrement inférieure à 1, c'est-à-dire une orbite qui est fermée, mais au niveau du nuage de Oort, à mettons 50 000 unités astronomiques, à une excentricité légèrement supérieure à 1, parce qu'elle passait Jupiter un peu modifier son orbite, ça veut dire qu'elle ne reviendra jamais. Est-ce que ça veut dire, presque en faisant le coup du rétroviseur, est-ce que ça veut dire qu'une comète pourrait venir d'une autre étoile ? Alors oui, statistiquement, on n'en attend pas beaucoup, mais en imaginant qu'on a des systèmes solaires similaires aux nôtres autour d'étoiles pas trop lointaines, il y a certainement là-bas des comètes qui sont aussi expulsées et qui voyagent entre les étoiles et qui un jour passeront près du Soleil. Mais le problème, c'est que pour qu'une comète passe à moins de une ou deux unités astronomiques du Soleil pour devenir brillante, la probabilité est assez faible. Je crois qu'une fois, il y a eu un calcul de fait, mais c'est moins d'une par siècle. Ah oui. Et on arriverait à la détecter, on connaîtrait la différence entre quelque chose qui vient de notre propre système ou qui vient d'ailleurs ? Alors, oui, de deux points de vue. Du point de vue orbital, maintenant, on fait suffisamment de mesures, et d'ailleurs, les amateurs contribuent beaucoup aux mesures de position des comètes pour déterminer précisément leur trajectoire. Donc, on verrait que cette comète a une excentricité donc, supérieure à 1 avant qu'elle soit perturbée par les planètes, donc elle venait au-delà du nuage de Oort. Et d'un autre côté, ce qui nous intéresse en tant que scientifique aussi, c'est au niveau composition. On peut s'attendre à ce que la composition de ces comètes soit significativement différente de toutes celles qu'on observe jusqu'à présent. Alors, puisque vous parlez de composition des comètes, on va rentrer dans le corps du sujet, si je puis dire. On a souvent décrit la comète comme une boule de neige sale. Est-ce que c'est toujours une bonne image ? C'est une bonne image d'un point de vue composition et d'un point de vue, structure du matériau, d'un point de vue solidité, si on veut. Ce qui se trouve, c'est que maintenant qu'on a obtenu des images d'au moins 4 noyaux cométaires prises par des sondes spatiales, la boule de neige est vraiment très sale et on voit même pratiquement plus de neige à la surface. Ah oui, ça a bien changé. Voilà. À quoi ça ressemble physiquement, si vous... Est-ce qu'on peut décrire d'ailleurs une comète moyenne, hein, si tant est que ça existe? Est-ce que vous pouvez nous dire physiquement à quoi ça ressemble? Alors déjà, le problème de la comète moyenne est peut-être difficile à définir parce que à chaque fois qu'on observe une comète, on a une chose différente. Donc probablement, et même donc il y a eu 4 noyaux cométaires survolés par des sondes spatiales, et les 4 noyaux cométaires, donc les noyaux de la comète de Halley, la comète Borelli, la comète Wilde 2 et la comète Temple 1, ils sont tous différents. Il y en a un qui est comme Wilde 2 où il y a plein de cratères, et d'ailleurs qui ressemblent à des cratères d'effondrement, avec un matériau qui lui se rapproche peut-être plus de la boule de neige sale qui a fondu un peu au soleil. Et puis d'autres comme la comète par exemple Temple 1, dont on a de bonnes images avec une bonne résolution, ressemble plus à un astéroïde avec aussi des terrains très variés, des zones lisses, des cratères d'impact, des fractures. C'est vraiment très différent, et ça traduit peut-être aussi l'évolution avec le temps de ces comètes. La particularité des comètes par rapport aux autres objets du système solaire, c'est des objets qui évoluent avec le temps. C'est-à-dire que leur surface probablement n'est plus la même après 10 passages près du Soleil que ce qu'a été au premier passage. Ce qui n'est pas le cas des astéroïdes, parce que je cherche un petit peu la différence entre l'astéroïde et la comète. Hein. C'est parfois assez proche en visuel. Les astéroïdes sont aussi des vestiges de la formation du système solaire, mais eux sont essentiellement composés de roches et ont pas ou très peu de glace. Quoi. Donc ils perdent pas du matériau avec le temps. Quoi. Alors le propre justement de la comète, c'est de perdre de la glace, de se sublimer comme on dit. Quel est le processus physique qui se passe à la surface ou d'ailleurs dans la comète lorsqu'elle s'approche du Soleil? Quel est le mécanisme qui fait que cet objet se met à fondre? Voilà, donc justement, ça c'est le principe même de la comète. Une comète, comment ça fonctionne? Donc, comme on dit, c'est essentiellement composé au moins minimum pour environ moitié de glace d'eau. Plus on verra de la glace d'autres éléments chimiques, mais 80% des glaces, c'est de la glace d'eau. Et cette glace d'eau, quand le noyau cométaire est suffisamment proche du Soleil, à une distance qui est de l'ordre de 1,5 à 3 unités astronomiques du Soleil, hein, c'est ce qu'on observe en pratique. En moyenne, on dit que c'est à environ 2,5 unités astronomiques, ce que donnent les calculs. La température va être suffisamment élevée pour que cette glace passe à l'état de vapeur. Elle passe directement à l'état de vapeur parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc on n'est pas dans les conditions pour avoir de l'eau liquide. Et en passant à l'état de vapeur, cette glace va entraîner avec elle les autres molécules et la poussière, ce qui va en fait donner naissance au phénomène de comète, donc de chevelure. En lumière visible, on est autant sensible à la poussière qui est éclairée par le soleil qu'à l'émission de certaines molécules. Ce qui donne les fameuses queues, c'est-à-dire queues de gaz et queues de poussière, qui se distinguent d'ailleurs très bien. Alors les queues, c'est une deuxième étape, c'est-à-dire que la comète va commencer par développer d'abord une chevelure, donc comme je disais, c'est ce qu'on appelle une atmosphère, mais bon, pas une atmosphère liée comme la Terre, donc de gaz et de poussière qui est relativement sphérique. Après ça, donc c'est l'influence du Soleil, disons la deuxième influence du Soleil, le deuxième effet, c'est-à-dire que ensuite, donc il va les poussières, du fait de ce qu'on appelle la pression de radiation, hein, c'est donc les particules de lumière qui rebondissent, si on veut, sur les poussières, vont entraîner ces poussières donc à l'opposé donc du Soleil, mais en même temps la gravité du Soleil influence ces poussières, donc on va avoir une espèce de d'éventail de poussières qui vont suivre en partie la trajectoire de la comète et un petit peu en arrière, donc c'est pour ça qu'on a les queues incurvées. Et donc ça c'est la partie poussière, et la partie gaz, donc c'est les molécules dont je vous parlais tout à l'heure, qui elles vont être cassées par le rayonnement solaire, et vont être aussi ce qu'on appelle ionisées, c'est-à-dire qu'il y a des électrons qui vont être arrachés, ce qui va donner des ions, et c'est eux en fait qui sont lumineux, qui sont responsables donc la queue bleutée donc des comètes, donc le bleu étant essentiellement lié à l'ion CO+, donc c'est les molécules de CO auxquelles on a arraché un électron, qui elles subissent l'influence du vent solaire cette fois-ci. C'est plus le rayonnement, c'est le vent, donc c'est les particules de protons et noyaux d'hydrogène, si on veut, et d'électrons qui s'échappent du Soleil, qui entraînent donc ces ions en direction aussi opposée au Soleil. Et la longueur de la queue va dépendre de la quantité d'émissions de gaz et de poussière? Oui, bon, c'est pas vraiment la longueur. Théoriquement, la longueur, elle est infinie parce que ces particules sont entraînées, ces ions sont entraînés par le vent solaire jusqu'au fin fond, du système solaire. Mais c'est sûr que c'est la densité, d'ions qui va rendre la luminosité plus importante. Donc, plus une comète émettra de CO, enfin d'eau et en général de CO, plus sa queue sera lumineuse et on la verra sur une grande longueur. Alors, et il faut aussi donc que la comète soit suffisamment près du Soleil. pour qu'il y ait suffisamment de rayonnement solaire pour créer donc ces ions CO+. C'est pour ça que ces queues de plasma, on ne les verra pas pour une comète qui a plus de 2 ou 3 unités astronomiques du Soleil. On les verra uniquement quand la comète se rapproche d'une distance comparable à la distance à Terre au Soleil. Quand ça chauffe vraiment, quoi. Quand ça chauffe et quand ça... C'est le rayonnement ultraviolet, hein, c'est celui qui nous fait bronzer aussi, qui lui va casser les molécules.